Nouvelle puce, nouvelle pute, nouvel opus, milliers d'euros ou plus, nouveau leasing. C'est vrai que ça pousse, mais rien que ça suce. J't'éclabousse quand t'es à l'arrêt de bus, ouais. Nouveaux objectifs, nouvelles attentes, nouvelles décisions à prendre. Là je n'ai qu'à s'attendre. Nouveau poste sur mon Insta, nouvelle pause, nouveau contrat, nouvelle clause, nouveau Yankee, nouvelle dose. Nique-toi, paye-moi et dispose. Yeah, nouvelle iPhone 10, nouvelle en suis en strip club. Lâche plus de liquide qu'une femme fontaine. Pas vu, pas pris, aucune preuve. Aucun nouvel ami, plein de nouveaux associés, plein de nouveaux ennemis. Fils de pute, accroché, je barre toute la nuit. L'eau, ça de la note, j'ai abrité vos familles car j'ai tout arrosé. Messieurs, bonjour. Je suis nouveau, j'ai rendu four. La réussite sous un nouveau jour. Je ne cherche pas à gagner ma vie. Elle m'appartient déjà. J'ai un 9000 et tout neuf. Au cas où y'a hijam, dis pas quoi de neuf. Ça va prendre du temps car tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Ça va prendre du temps car tout est neuf. Nouveau fun, nouvelle drogue, nouveau contact. Le nouveau commissaire fait que se rabattre. Commission rogatoire, nouvelle enquête. Et mes ex verront pas le nouvel appart. Y'a des bonnes résolutions, bébé prends des notes. J'ai de nouveaux associés, aucun nouveau pote. C'est nous devant, on prend ce qu'on doit. J'ai trois avocats chaque jour, y'a des nouvelles lois. Je veux la peau des braconniers, l'homme est diabolique. Et c'est pas nouveau, son boulot nous rendre alcooliques. Nous faire consommer pendant ce temps, putain gigolo. Font des nouveaux-nés, venez nous voler, rigolo. J'ai de la nouveauté, insolente, tes anciens clés, je les ai racolés. Trop violence, tout en déconnant, petit écolier. Humilié pour le plaisir de mes nouveaux abonnés. Nouveau rap, nouveau flow, tout bénef. Nouveau sac, nouveau fer, nouvelle sape, tout est neuf. Nouvelle méthode pour gratter sa pièce. La peau sans la fraise, mon rôle plus la pisse. Et le Yankee fait la pisse. Contentez-vous de ce qu'on vous laisse. Bah ouais, mon rêve, c'est rush et lèche. De nouveaux ennemis à chaque nouveau business. Messieurs, bonjour. Je suis nouveau, j'ai rendu four. La réussite sous un nouveau jour. Je ne cherche pas à gagner ma vie. Elle m'appartient déjà. J'ai un 9000 et tout neuf. Au cas où y'a hijam, dis pas quoi de neuf. Ça va prendre du temps car tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Tout est neuf. Ça va prendre du temps car tout est neuf. Tout est neuf. Ça va prendre du temps car tout est neuf.